les métiers sous bras du cul des grosses majors. Tu prendras enfin ta place dans la culture de la masse. Parmi les débilités, en tête des ventes de l'année, un rang sans publicité. Y'a plus qu'à se déguiner, consommer les yeux fermés, lâcher du presse à porter. Et ce soir on va se retourner, on arrive pour éclater. La nuit on va tout retourner, ensemble on va s'éclater. Tu pensais peut-être que produire prendre nos jeans et nos idées. Mais c'est comme ça qu'on veut vivre et crois pas que ça va changer. On changera pas de nom pour jouer, pas d'attitude pour s'intégrer. Pas de train pour mieux coller à tes idées, tes préjugés. On préfère jouer gratuitement, non. Autonome au fond d'un champ, exilite au fond des bois, underground au fond d'un squat. C'est comme ça qu'on avancera, même s'il faut du temps pour ça. La contre-culture développe et laisse une place aux vieilles salopes.